Le mariage, c'est une loi, vois-tu, et l'amour, c'est un instinct qui nous pousse tantôt à droite, tantôt à gauche. On a fait des lois qui combattent nos instincts, il le fallait. Mais les instincts, toujours, sont les plus forts, et on ne devrait pas trop leur résister, puisqu'ils viennent de Dieu, tandis que les lois ne viennent que des hommes. Si on ne parfumait pas la vie avec de l'amour, le plus d'amour possible, mignonne, comme on met du sucre dans les drogues pour les enfants, personne ne voudrait la prendre telle qu'elle est. Berthe, effarée, ouvrait ses grands yeux. Elle murmura. « Oh, grand-mère, grand-mère, on ne peut aimer qu'une fois. » L'aïeule leva vers le ciel ses mains tremblantes, comme pour invoquer encore le dieu défunt des galanteries. Elle s'écria, indignée. « Vous êtes devenue une race de vilains, une race du commun. Depuis la Révolution, le monde n'est plus reconnaissable. Vous avez mis des grands mots dans toutes les actions et des devoirs ennuyeux à tous les coins de l'existence. Vous croyez à l'égalité et à la passion éternelle. Des gens ont fait des vers pour vous dire qu'on mourrait d'amour. De mon temps, on faisait des vers pour apprendre aux hommes à aimer toutes les femmes, et nous. Quand un gentilhomme nous plaisait, fillette, on lui envoyait un page. Et quand il nous venait au cœur un nouveau caprice, on avait vite fait de congédier le dernier amant, à moins qu'on ne les gardât tous les deux. La vieille souriait d'un sourire pointu, et dans son œil gris une malice brillait. La malice spirituelle et sceptique de ces gens, qui ne se croyaient point de la même patte que les autres, et qui vivaient en maîtres, pour qui ne sont point faites les croyances communes. La jeune fille, toute pâle, balbutia. Alors les femmes n'avaient pas d'honneur. La grand-mère cessa de sourire. S'il avait gardé dans l'âme quelque chose de l'ironie de Voltaire, elle avait aussi un peu de la philosophie enflammée de Jean-Jacques. Pas d'honneur, parce qu'on aimait, qu'on osait le dire, et même s'en vanter, mes fillettes. Si une de nous, pas les plus grandes dames de France, était demeurée sans amant, toute la cour en aurait ri. Celle qui voulait vivre autrement n'avait qu'à entrer au couvent. Et vous vous imaginez peut-être que vos maris n'aimeront que vous dans toute leur vie. Comme si ça se pouvait vraiment. Je te dis, moi, que le mariage est une chose nécessaire pour que la société vive, mais qu'il n'est pas dans la nature de notre race, entends-tu bien? Il n'y a dans la vie qu'une bonne chose, c'est l'amour. Et comme vous le comprenez mal, comme vous le gâtez, vous en faites quelque chose de solennel comme un sacrement, ou quelque chose qu'on achète comme une robe. La jeune fille prit en ses mains tremblantes les mains ridées de la vieille. Tais-toi, grand-mère, je t'en supplie. Et à genoux, les larmes aux yeux, elle demandait au ciel une grande passion, une seule passion éternelle, selon le rêve des poètes modernes, tandis que l'aïeul, la baisant au front, toute pénétrée encore de cette charmante et saine raison dont les philosophes galants saupoudrèrent le XVIIIe siècle, murmurait. Prends garde, pauvre mignonne, si tu crois des folies pareilles, tu seras bien malheureuse. C'était Jadis, par Guy de Maupassant.